quel beau temps, quel ciel. Pas un nuage, pas un cirrus, pas un imbus, pas un stratus, pas un cumulus. Il fait vraiment beau. Vous ne trouvez pas? Un peu frais peut-être, non? Enfin, il fait pas vraiment froid. Non, je ne dis pas ça, mais il fait moins chaud qu'hier. Quel ciel! Pas un nuage. Est-ce qu'il y a des nuages dans le ciel? Non, il n'y a pas un nuage. Il fait vraiment beau. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Quel temps fait-il? Il fait vraiment beau. Un peu frais peut-être. Un peu frais. Enfin, il ne fait pas vraiment froid. Il ne fait pas froid. Il ne fait pas vraiment froid. Mais il fait moins chaud qu'hier. Il fait moins chaud. Il fait moins chaud qu'hier. Est-ce qu'il fait froid? Non, il ne fait pas vraiment froid. Est-ce qu'il fait aussi chaud qu'hier? Non, il fait moins chaud qu'hier. Vous venez souvent ici? Moi, j'aime beaucoup le Luxembourg. Même quand il fait mauvais. Même en hiver, sous la neige. Au printemps, quand les marronniers sont en fleurs. En été, quand il fait si bon à l'ombre, près de la fontaine Médicis. En automne, quand on ramasse les feuilles mortes à la pelle. Vous me trouvez bête? Moi, j'aime beaucoup Luxembourg. Même en hiver. Même en hiver. Sous la neige. Sous la neige. Au printemps. Quand les marronniers sont en fleurs. Quand les marronniers sont en fleurs. En été. Quand il fait si bon. À l'ombre. En été, quand il fait si bon à l'ombre. En automne, quand on ramasse les feuilles mortes, en automne, quand on ramasse les feuilles mortes, quand est-ce qu'il y a de la neige? En hiver. Quand est-ce que les marronniers sont en fleurs? Au printemps. Quand est-ce qu'il fait bon à l'ombre? En été. Quand est-ce qu'on ramasse les feuilles mortes? En automne.